seul. C'était en dessous. En fait, c'est là. On a le droit d'avancer là? Oui, oui, on a le droit. Ok. Camion ça, enfin, un petit camion.